folie puisqu'il y a dans ses endroits autant de songes que quand on dort et on ne dort pas. Alors autant se tordre ici et là et se rejoindre en bas puisqu'on se lève de tout. Pourquoi nous entrelaçons-nous? Les écarts chérifs, on en a des sévices. Passe-moi par-dessus tous les bords, mais reste encore un peu après que même la fin soit terminée. Moi j'ai pas allumé la mèche, c'est l'autre amont qui me presse dans les déserts, là où il prêche, où devant rien on donne la messe. Pour les écorcher, serre-moi encore, étouffe-moi si tu peux, toi qui sais où. Après une subtile esquisse, on a forcé la vis. Nous les écorcher vifs, on en a des sévices. Y'a nos hématomes crochus qui nous sauvent et tous nos points communs dans les dents, nos lambeaux de peau qu'on retrouve ça et là dans tous les coins. Ne cesse pas de trembler, c'est comme ça que je te reconnais, même si